Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, petite émission tranquille, on s'énervera pas trop. Musique assez planante par moment. Donc, s'il y a des pièces qui vous intéressent, ben comme à l'habitude, rendez-vous au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès à la playlist de l'émission. Vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez même télécharger les albums au complet. Cette semaine, donc, on va débuter avec un artiste de la ville de Kaliningrad en Russie, c'est Project Hypoxia. Je vous fais entendre sa pièce Sublimation, c'est tiré de son album Way of Mind. C'est publié sur l'étiquette japonaise Bombfoot, Bombfoot qui a plusieurs centaines d'albums en téléchargement gratuit. Donc, allez faire un tour sur Bombfoot, vous serez vraiment pas déçus. Après Project Hypoxia, on va entendre Sisters, c'est donc publié sur Diabetic Koala, c'est la pièce Safe from Harm, c'est donc Sisters qui nous vient de Ocean Springs dans le Mississippi, donc on débute ces deux pièces-là. Thank you. looking back at you. But if you had what you want, I'll sure as hell retaliate. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre la pièce Safe From Harm de Sisters. C'était sur l'étiquette Diabetic Koala. Donc, un peu de Cat Wave pour vous. Une pièce, je sais pas c'est quoi l'original, mais une pièce vraiment ralentie. Ça apporte une nouvelle dimension complètement différente aux pièces. Beaucoup d'artistes s'amusent avec ça de ce temps-ci, avec le ralentissement des pièces. C'est vraiment tordant. Donc, on avait débuté l'émission avec Project Hypoxia. C'était la pièce Sublimation. C'était ça tiré de l'album Way of Mind. On poursuit avec un artiste de l'Angleterre, c'est Italtech. Je vous fais entendre sa pièce Golden. Ensuite de ça, sur l'étiquette Mahorka, je vous fais entendre un collectif de Chicago du nom de Captive Portal. C'est la pièce Internally Grateful. Thank you.

picture, will it? Jak jest koniec, aż nie jest koniec. Puenta, rozumiesz? Wszyscy grają podle. De la Pologne, c'était Noizer avec sa pièce Magical Element. C'était précédé par un artiste de la ville de Los Angeles aux États-Unis du nom de Romo. C'était sa pièce Daydreams. Donc, les deux pièces étaient publiées sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. On poursuit avec un truc publié sur Electro Sound. C'est le duo Pitch Raza. Je vous fais entendre la pièce Mojive Embrace. Ensuite de ça, sur Enough Records, une excellente pièce de Amitron 7. C'est la pièce It Look Like a Frog. Donc, Amitron 7, un artiste de Manchester. C'est un album double vraiment intéressant, intitulé Come Ye Sinners to the Gospel Feast. Donc, allez télécharger l'album, donc l'album double, plutôt, je pense, c'est ma découverte de la semaine, Amitron 7. Vous allez vraiment apprécier. Donc, ben, c'est ça, on écoute Amitron 7 tout de suite après Pitch Raza, qu'on écoute tout de suite. Thank you. Experience. I don't recommend taking that much LSD. Probably unhealthy. I don't think I've been right ever since. Einstein, maybe four. PCS fade out at 0901 plus 7. I don't mind admitting that I'm up a tree. Une très belle pièce d'Amitron 7, c'était la pièce It Looked Like a Frog, c'était sur l'album double Come Ye Sinners to the Gospel Feast, c'était sur l'étiquette Enough Records. Avant ça, on entendait le duo Pitch Raza avec la pièce Mojave's Embrace, c'était ça sur l'étiquette Electro Sound. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous invite à visiter la page de l'émission pour consulter la playlist et télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusic.ca et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour toute cette bonne musique gratuite. Restez à l'écoute, ça va être la croche-oreille avec Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin. Donc, restez à l'écoute de l'art audio qui s'en vient tout de suite après. Nous, on se quitte sur une pièce de Kai Engel avec sa pièce Calls and Echoes. Puis, je vous souhaite une bonne semaine à l'antenne de CKRL.